Boa tarde, é uma hora no... sur le 96.2 si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 16h30 pour votre émission Groove Tropical. Groove Tropical, c'est toute l'actualité musicale qui nous vient de la Caraïbe avec du zouk bien sûr, du compas, la salsa, enfin etc etc. Restez bien fidèles au 96.2, le maximum de soleil pour vous durant 2h30. Écoute-toi. serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma woman, ma number one. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma woman. Viens près de moi. On s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira. On s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. hold me red. And this a girl a top me head. She a bubble and a mash up me meds. See a girl a woulda pop out the lead. When you done in that wave, crack up the leg. I make you a girl and suffer. Healthy body trail from Africa. Harvey coast back to Gambia. Like Nigeria, Jamaica. If you keep on whining like that, keep on bubbling like that, keep on whining, you go get what you deserve, girl. Keep on whining like that, but you can't lie raking like that. Keep on whining, you go get what you deserve. But you can't let me vibrate. Thick girls, slim girls, vibrate. Skinny girls, fluff girls, vibrate. Mama, make you not communicate, mama. Go down and pick up the pace, mama. I like the way you can shake, mama. Put that thing on rotate, mama. Baby, put me in my place, mama. You know I go fly for your case, mama. Baby, go down with the pace, mama. Take it easy. You can't come and please me. Cool it down, down, down. Go down. Cool it down, down, down. Go down. Take it easy. Vibrate. Thick girl, slim girl, vibrate. Skinny girl, swap girl, vibrate. Vibrate. Thick girl, slim girl, vibrate. Skinny girl, swap girl, vibrate. C'est Chantal qui vous accompagne jusqu'à 16h30. Arc-en-ciel 96.2, très très bon après-midi en ma compagnie. Yeah. pou pa kite fraze pou pa direk la ke ne mou te kreye mobilize pou pa kite fraze yon sel pou pa yon sel biznis la nou se le men nou se nou lou nou se klas nou se jak nou ton pe ou te so pou e kon parle nou se nou si nou se di bas pika na nou se se ton mobilize Kakase, mobilize pou pa kite krasé, kon pa direk la, kere monte kreye, mobilize pou pa kite krasé, yon sel kon pa, yon sel biznis la, le mate kon pa fanatik la, le male takale, se kon pa, sa la koule nan ven nou, nou se a yise kon pa se nou, Mate a komote arade entre mon nom bataille Thank you. Toi, vu que j'ai mes défauts. Mais toi, t'as trop d'ego. Tu dis que j'ai sorti des mots qui t'ont blessé. Tu ne réponds plus à mes mémos. J'avoue, j'ai des sentiments. Mais ton temps, c'était pas mon temps. Alors, bébé, dis-moi si on continue. Ou tout s'arrête maintenant. Oh, tous les jours, tu me fous la pression. Pour me prouver qu'il y a tant ou raison. On se fait du mal, Phoebe. On se fait du mal. Et si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, yeah, je veux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, yeah, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, yeah, je veux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller. Trop de prise de tête, arrête tes malhonnêtes, tous les défauts c'est pour moi. T'as cru que c'était la fête, t'es trop dans le paradis, mon côté c'est pour toi. Arrête ton délire, je vais penser que t'es parano. Ouais, tu sais qui c'est, je suis pas là pour flatter ton ego. Je suis pas ce genre de fille qui a pas tous tes mélos. Non, mais on fait. Tous les jours tu fous la pression. On pourrait qu'il y a d'autres raisons. C'est uniquement dans votre émission Groupe Tropical chaque jeudi après-midi entre 14h et 16h30 sur Arc-en-Ciel, bien sûr. Si tu veux t'en aller. Tout de suite, Stéphanie J. Eh bien, oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce titre qu'elle nous interprète. Une était une fois. Du zouk à gogo, mais je sais que vous aimez ça. Et puis ça amène le soleil, regardez, regardez par la fenêtre. Allez, très très bon après-midi en ma compagnie. C'est Chantal qui vous accompagne. Le reste on l'écrira à dos de licorne. Pourquoi pas? Ce qui compte c'est toi et moi. Quand je me sens pas belle, tu sais me rassurer. Quand je m'emporte trop, tu sais comment me calmer. Tu me vois tel que je suis vraiment sans fioriture ni faux semblant. La terre peut s'arrêter de tourner. terre peut s'arrêter. Y hoy todo es desilusión. Te negaste al capítulo de la pasión. Y ahora tu película es otra. Sé que estás con él queriendo besar mi boca. Y como a mí en el silencio te provoca. Loco sin ropa. Si vous en tige. Qui dit l'amour

cosas, lo más a mí. Voyager, ouais, ouais, ouais. Qui capte, mouette, mouette, mouette, mouette, voyager. votre émission Groupe Tropical, le grand retour de Ludo avec un tout nouvel album et ce titre que j'ai sélectionné pour vous, j'avoue. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Et puis ben, avant de retrouver d'autres nouveautés, moi je vous propose tout de suite un petit retour en arrière pour tous les fanatiques avec ben un petit live de Créola carrément. Et Célestin, vous le connaissez bien. Si vous y allez, c'est parti. 14h, 16h30, votre émission Groupe Tropical.

Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Et voilà la chose. Glagé coco, glagé coco, c'est doudou. Toujours sexe. On s'est soucié pour pas jamais décoller. On soit les à s'habiller, même si on prend pas beaucoup là. Je mets moins plus fort et soulager qu'elle y a moins. Si on y a j'accord, même si on pas beaucoup là. Aïe aïe aïe, toute la soirée. Nous fait des bidous en nous dansant côté jusqu'à demain matin. Et même si nous fatigués, nous payons, j'irai commencer. Aïe aïe aïe, toute la soirée en bas Coca-Cola. En bas Coca-Cola, toute la soirée en bas Coca-Cola. Et

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. You know what is this? This is Bugalú, baby. La combinación que todos estaban esperando. Bugalú, Pagui, Bugalú, Pagui, Bugalú. ¡Ey! Pégate a mi Bugalú. Doblete, Víctor Manuel. Bugalú, pégate a mi Bugalú. Ay, yo tengo un ritmo que te va a gustar. Víctor Manuel y Doblete. Ay, mi Bugalú es para que bailes. Ay, cuando comienza no podrás parar. Es la manera de bailar. Ay, mi Bugalú es para que goces. A que te pare de la silla, yo te traigo Bugalú. Lo bailaba tu abuelita, ahora lo bailas tú. Ritmo bueno, sabroso para la juventud. Aparecía, nadie vino a salvarme, solo a acompañar. alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. They inna the party, you want fi find me. They inna the party, you want fi find me. Tell me they inna the party, you want fi find me. Want fi find me, girl? Want fi find me? Tell me they inna the party, you want fi find me. They inna the party, you want fi find me. Tell me they with me dogs, you want fi find me. Want fi find me, girl? You want fi find me? Bloom them player. Girl, I want inna the blood clot town. We not fear nobody inna the blood clot town. Bagay gal inna di blood clot town. We not fear nobody inna di blood clot. Si don't get those time, oblige vini pro back shot. Don't see mouth, kick attack again for stop that. No more bagay time, sa mo bise a bo back shot. To be sa ve bad, gal pa ho for long tag. Dem say wine funny thing, them dead. Done him, empire play them dead. We are running, have a quarry them dead. You go to tell your bise, you for no crew them say. We no play, magazine full, we no care. I better call a fuck bar, though we no fear. Anyway, me dem make bad mind disappear. Cause see we the whole of them fear. My body turn up every time, sure. Every time. Bad gal a wicked, got me sick in a me mind. Man testify, Bambi design. Body good, body right, body half you fine. Bad gal Bambi, we a do the crime. We a do it, a do it from morning till the night. Every time, any time. Them lost from long time, when your body. Gal a one in a the blood clot town. We not fear nobody in a the blood clot town. Bagay gal in a the blood clot town. We not fear nobody in a the blood clot. See don't get those time, oblige vini for back shot. Don't see mouth, kick attack again for stop that. No more bagay time, sa mo bise a for back shot. So bien sa ve bad gal pa ho for long tag. Dem say I'm a cafe from them time. A party shot la mola depi long time. Sa ki tele test you shot dead long time. Mo cafe se for my wine depi long time. You fi wine it up, yeah my gal. Oh your bad sa, you had wait long time. But you do your favorite kit of fine, Bambi Road King on the headline. Some say me China King, give me some love. I want to them to all we want is some love. Some say me China King, give me some love. I want to them we are doing at the town, yeah. Me never left it, fuck it, anyway me de. Clap it, drop it, anyway me de. Johnny, cut it, anyway me de. From you see me, you are runway, that one you near. Girl, I want in the blood clot town. We not fear nobody in the blood clot town. Bagay gal inna di blood clot town. We not fear nobody inna di blood clot. See don't get those time, oblige vini for back shot. Don't see mouth, kick attack again for stop that. No more bagay time, sa mo bise a for back shot. So bien sa ve bad gal pa ho for long tag. Dem say bad gal de for long tag. And then when you de sa bada di for long tag. Before this a different tag. Bad gal bomb because why you love it randa. She a do it for this and a feel a danda. She a die bad clot, dem a di da danda. Empire give us a via atanta. Empire give us a via atanta. Yo, LBT. Bye-bye. Chaya. Rule them fire. To the universe. The Masimar. Les femmes autoritaires, j'aime pas trop. Quand nous deux, c'est la guerre. Quand on parle, elle me traite de macho. Donne des leçons, prends pour ma mère. Elle me plaît, mais il faut être costaud pour supporter son caractère. Elle me veut, il n'y a pas photo. Et c'est ça qui lui fout les nerfs. Son homme, elle doit le contrôler. Moi, y'a pas moyen qu'on me mate. Si elle espère me changer. changé comme un citron d'Algéa. Elle était avant dans les compliments, dans les sentiments. Elle n'est plus dedans. C'est du boniment, du boniment, plus du boniment, du boniment. Elle était avant sur les compliments, sur les sentiments. Elle n'est plus dedans. C'est du boniment, du boniment, plus du boniment, du boniment. Elle est jalouse, critique toutes les go. Elle m'imagine toutes me les faire. Elle veut que personne ne la gère. Je ne lui ferai aucun cadeau, vu qu'elle est remplie de manières. J'espère que nos débats seront chauds. Au moins là on fera la paix. Son homme elle doit le contrôler. Moi y'a pas moyen qu'on me mate. Si elle espère me changer, comment s'y prendra d'LGA. Elle était avant dans les compliments, dans les sentiments. Elle n'est plus dedans. C'est du boniment, du boniment, plus du boniment. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. passe, malasse, passe. Te quiero. Cocktail et mes passions. T'en passer me regretter, mes alliés. Partage et patience. L'amour est ton essence. Et j'allais pour moi, mais je m'en vais. Je dois arriver, tout prend toutes tes décisions. Sans même songer, je joue à tes Kevinis. Tinali Ridla sur le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical avec une spéciale dédicace aux futurs mariés, aux nouveaux mariés, aux anciens mariés, avec une dédicace alors vraiment spéciale à Peggy et à Cyril pour leur 20 ans de mariage. Et avec deux gros, gros, gros bisous. En tout cas, c'était pas maillé, tout simplement. Et vous avez vu à la fin il y avait un bisou en direct. Ça m'émeut. Alors là maintenant on passe à autre chose. C'est Le Pouvoir avec Jean-Marc Tomplet. Et c'est une nouveauté sur le 96.2. En France plus dominée. L'autre a fait sa vie. Pour faire mon divin. En France plus dominée. En couleur. En couleur. Greatness. DJ Nathan. Joe Boy Point Day. Look at the buffet. The maggots are come my love. Body on touch. I thought I don't mind the pepper. Damn, I don't eat all my. say you fine, you know they get me. I know be dandy, dandy. I see you with the soggy, soggy. Anyway, me I know go get. Only you are the one I swear. So go away, shine, baby, my rose. Ooh, yeah. Cause it be you I want. It be you I they want, oh. I could prove my love, oh. I could be it all, oh. I don't wanna guess it. I don't wanna guess it. You there with another man. Where are you broken? I don't wanna let down. I see with another man. I don't wanna guess it. I don't wanna guess it. You there with another man. Where are you broken? I don't wanna see you in nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody. Don't wanna see with nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody. Vale. Sounds of Neptune.

Por diente, diente por diente, con mi venganza sabrá. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Chérie,

Allez, je l'avoue, j'ai craqué. J'adore. Un bel hommage, le groupe Gicane avec tous ses amis. Eh bien oui, moi j'aime bien cette belle reprise avec un hommage bien sûr au groupe Kassab qui a fêté ses 40 ans, hein, 40 ans du groupe. Bah, c'était en 2019, l'année dernière, le 11 mai tiens, précisément. Avec un petit clin d'œil quand même à la grande diva du zouk, Madame Jocelyne Béroir. Allez, il nous reste encore 5 petites minutes à passer ensemble. Ouais. Hey fanatique, c'est qu'une side ça. Dans ma life. Bon, j'avoue, c'est pas si mal. C'est vrai que dernièrement, j'ai clair kiffé sur une petite wife. Je voudrais faire ma life. J'ai tellement peur de faire du mal. Faut que j'arrête de me faire des fils. Et que maintenant, je suis pas de noisette, tu es fraîche. Pour toi, je la fais en freine. J'avoue que si je t'aborde, c'est pas pour une histoire de pêche. T'en fais par la vie de ma mère, y'a pas de mytho. Voilà, je suis franc. Faut mais une histoire d'amour d'aller loin avec quelques pêches. Mais chérie, qu'est-ce que tu m'en fais là? On a claqué mon toit, je peux t'aider pour toi, oh là là. Mec, y'a des pensées. À la base, ma chérie, je voulais juste m'ambiancer. Presque 16h sur la FM tout en couleur, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission. Et eh bien, ah ben voilà que je sais même plus, groupe tropical, bien sûr. Oh là là, il y a tout qui se mélange. Bon, voilà, ça y est, je me suis remise dans mes émotions. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, 14h, 16h30 sur le 96.2. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. N'oubliez pas de fêter la fête des mamans, mais ça, je suis sûre que vous allez y penser. Moi, je vous fais de big bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. C'est vous qui musique amène toute sensation dans tes mains. Qui conjugue l'amour, l'amour pour vous à la fin. Parce que baby, my love, my love, my love, my love. Moi, y'en guide, y'en sa qui dort chez moi. Ma cage, y'en pas fait. Moi, y'en guide, y'en sa qui dort chez moi. Ce soleil, la vie, moi, m'a fait pas fils en vous. Baby, moi, y'en guide, y'en sa qui dort chez moi. Baby, ma cage, y'en pas fait. La FM en couleur.